Kintsugi. Petite explication préalable. Le kintsugi, du japonais jointure en or, est une méthode japonaise de réparation des porcelaines brisées au moyen de laque saupoudrée de poudre d'or. Ce type de réparation relève d'une philosophie qui prend en compte le passé de l'objet, son histoire et donc les accidents éventuels qu'il a pu connaître. La casse d'une céramique ne signifie pas sa mise au rebut, mais un renouveau, le début d'un autre cycle et une continuité dans son utilisation. Il ne s'agit pas de cacher les réparations, mais de mettre celles-ci en avant. Faire en sorte que ces enfants restent vivants jusqu'à leur majorité, à leur corps défendant, est sans aucun doute le défi le plus important du métier de parent. Tout prudent que l'on soit, les accidents qu'on dit domestiques, pourquoi pas sauvages, sont inévitables. La preuve, après des heures de travail pour consolider la barrière en bois qui fermait l'escalier de la cave, l'ajout d'une poutre solide munie d'une chaîne, il aura suffi d'une petite encouble, d'un bras qui fait lever la chaîne et s'ouvrir la barrière pour que Thomas, 19 mois, exécute un vol plané de plusieurs mètres. Il aurait pu se tuer en atterrissant, mal, sur le pas de porte inférieur, en carrelage, ou être handicapé à vie. Rien de tout cela. Il y a un bon Dieu pour les aventuriers en barboteuse. Nous constatons dans la foulée qu'il est possible de se faire un trou dans le front simplement en tombant mal sur un jouet en bois 100% écologique. Un aller-retour à l'hôpital et deux points de suture. Deux. Charlotte, elle, est championne du popotin bordé de nouilles, pour ne pas dire du cul. Chaque fois, elle évite la catastrophe de justesse. Je frémis encore de l'avoir vu foncer avec sa luge entre un pylône et un cordage métallique qui aurait pu la décapiter. Certes, elle n'avait pas encore beaucoup de cheveux sur la tête, mais moi, plus un poil de sec. Indépendamment du fait que c'est l'anniversaire de ma nièce Adrienne, jamais je n'oublierai cette date, 25 janvier 1999. Ni cette heure, 10h31. Et vous, que faisiez-vous à cette heure-là? Quelques instants plus tôt, j'ai vêtu mes deux lascars. Pour une fois, ça a été tout seul. Ce n'est pas systématiquement gagné. J'ai affaire à de sacrés numéros et il n'est pas rare que je doive en rhabiller un entièrement, sitôt le dernier vêtement mis, pour cause d'inondation des sous-couches. Toutes les mamans connaissent. Un jour, dans des toilettes publiques, j'en ai même surpris une en pleine crise de nerfs. Elle n'avait plus de change, sa petite ayant recommencé 3 fois de suite. Ces derniers temps, c'est surtout la fatigue et son corollaire, la mauvaise humeur, qui nous joue des tours. Il arrive que nous sortions avec tout l'équipement pour rentrer 10 minutes plus tard, tant ils me rendent chèvre avec leurs caprices. Quelquefois, je regrette de m'être donné pour devoir incontournable de sortir mes bombas tous les jours un moment, quel que soit le temps, juste pour prendre l'air et continuer à entretenir leurs belles joues rouges. Mais j'ai tellement conscience de la chance que j'ai de pouvoir les élever ici que ça ne se discute même pas. Aujourd'hui, tout va bien. Le ciel est bleu, la neige est belle, on est lundi. Les touristes sont repartis, les vacances sont finies. La piste va être à nous, rien qu'à nous. Nous nous mettons en route, les enfants et moi, avec nos luges en plastique, légères et si pratiques. Leur papa est descendu en pleine tôt ce matin pour ses visites hebdomadaires au médecin. Arrivé sur place, j'admire le paysage. Du coin de l'œil, je vois passer la voiture du facteur. Elle disparaît au détour du chemin. Nous sommes tout seuls. Tout est parfait. J'ai sous les yeux une nature belle et harmonieuse qui ferait croire au pire des mécréants que le paradis terrestre existe. Charlotte commence à gravir la pente en portant sa luge. Je n'enclenche pas le tire-luge rien que pour nous. Et elle chante à plein poumon. Elle est si jolie dans sa combinaison rose et déjà grande pour ses 4 ans et demi. De mon côté, je m'occupe de Thomas qui vient d'avoir 3 ans. Samedi, nous avons fait les premiers essais en solo sur la luge. Il a compris le principe, il s'en sort plutôt bien. Mais je ne prends pas de risque et l'installe à mi-parcours sur une toute petite déclivité. Comme le terrain remonte un peu en face, il ne risque rien, ça va freiner tout seul et je n'aurai plus qu'à le récupérer pour recommencer. On va bien s'amuser. Allez hop, une légère poussée dans le dos et en avant. Le voilà qui démarre, droit devant. De plus en plus vite. De plus en plus vite. Attends, il part vers la gauche, là. Il va vers... Oh non! Du haut de mon 1m64, je ne vois que trop le danger. L'issue fatale. Sur cette damnée luge en plastique beaucoup trop légère, mon bébé a viré à gauche. Il vole et fonce à toute allure dans le moteur du tire-luge. Un amas de ferraille avec des trucs coupants partout. Il n'a pas de casque. Il va se tuer. Je veux le rattraper, je patauge dans la neige, fais du surplace, essaye de courir, avance comme je peux, crie, hurle de toutes mes forces. Tombe, Thomas, tombe, roule par terre, tombe, Thomas, arrête-toi. Trop tard. Le choc est inévitable, violent. Tout s'arrête. À genoux, dans la neige, à ses côtés, je vide mes poches, trouve des mouchoirs en papier. Éjecté, couché à terre, il hurle de peur et de douleur. J'évalue les dégâts. Une énorme balafre entre les deux yeux qui, par chance, ne sont pas touchés. Mais il est coupé jusqu'à l'os. Je pense, traumatisme crânien, hôpital, hélicoptère, le tenir bien à plat pour que le sang ne coule pas. Je récupère Charlotte qui descend, en chantant toujours, elle n'a rien vu. Lui dit d'abandonner ses affaires et de nous suivre, puis mon bébé dans les bras, je parcours les 100 mètres les plus longs de ma vie, vers les premières bâtisses. Je hurle « Au secours! À l'aide! Aidez-moi !» Enfin, on m'a entendu. Une porte s'ouvre. C'est une cuisine. Il y a une grande table sur laquelle je pose mon précieux fardeau. Henriette, alertée par le téléphone arabe, accourt. Elle emmène Charlotte et s'en occupera jusqu'à ce que je vienne la rechercher. Tout en essayant de rassurer mon titounet qui ne cesse de pleurer, j'explique à mon hôtesse ce qui vient de se passer. Elle envoie quelqu'un chez l'infirmière qui vit au village. Par chance, elle est là aujourd'hui. Arrive très vite, me demande ce que je veux. Appelez l'hélicoptère! Je tremble de tous mes membres. Je me sens tellement, tellement coupable. Tout se bouscule dans ma tête. Des années d'angoisse, de doute, de culpabilité refont surface. Je me reproche tout et son contraire. Comment ai-je pu me tromper à ce point? Ne pas avoir senti que mon petit garçon n'était pas assez mûr. Je devrais savoir. Avoir observé pourtant qu'il n'était ni sportif, ni intrépide. Quel genre de mère suis-je donc? Impardonnable. Je l'ai défiguré, marqué à vie. Comme si ça ne suffisait pas d'avoir perdu son frère. Même si on m'a dit et répété que ce n'était pas de ma faute. Problème génétique, mon cul, j'ai dû faire quelque chose de mal. Pas possible autrement, je suis maudite. C'est écrit que j'aurai pas de fils. Voilà ce que j'ai gagné à m'obstiner. Vouloir ma part de bonheur, forcer le destin en ayant un autre enfant à 40 ans. L'infirmière me tire de ses pensées sinistres. Elle vient d'obtenir la communication avec l'hôpital et me demande si je suis sûre de vouloir un hélico. Dans mon angoisse, mon affolement, ma culpabilité, j'insiste, bien sûr, et vite s'il vous plaît, et je me fiche bien de ce que ça va coûter. J'ai déjà perdu Julien, je ne survivrai pas à la perte de Thomas. Trop jeune, trop inexpérimentée, elle n'ose pas me remettre en question, me dire ce qu'elle a vite compris, que la blessure n'est pas si terrible dans le fond, qu'il suffira de quelques points de suture, qu'elle pourrait m'amener voir le toubib du prochain village qui en a déjà soigné bien d'autres, que ça irait plus vite. Elle travaille en pédiatrie, plutôt aux urgences pédiatriques. Elle a l'habitude de cas bien plus graves. Mais devant ma détermination, ma peur panique, elle accepte mon choix. Elle explique la situation à l'équipe des soins qui va venir dès qu'elle le peut, puis nous amène, Thomas et moi, près du terrain de tennis, seul endroit où l'engin pourra se poser. Au début, nous attendons dans sa voiture. Thomas vomit un peu. J'angoisse d'autant plus à cause du possible traumatisme crânien. Alors nous sortons pour nous rapprocher de la zone d'atterrissage. L'attente n'en finit pas. Je ne comprends pas pourquoi c'est si long. Que se passe-t-il ? Je n'ai plus assez de force pour porter mon enfant. Sa blessure béante ne saigne plus. Alors nous restons debout l'un à côté de l'autre à attendre. Quelques hommes du village rôdent à distance. Ils n'ont donc rien d'autre à faire. Quel voyeur! Ils feraient mieux de me proposer leur aide. Ils ressemblent plus à des vautours qu'à des amis. Je prie en boucle dans ma tête pour que ce cauchemar cesse. Et l'hélicoptère arrive. Enfin! Dès qu'il a atterri, tout va très vite. Un médecin et un infirmier en sortent. Ils installent Thomas sur une civière et nous grimpons dans l'habitacle. L'infirmier sécurise la civière, prend l'attention du petit, me dit que j'ai bien fait de les appeler, que tout va bien se passer. Et nous prenons notre envol. 10 minutes plus tard, à peine le temps d'admirer le paysage, nous atterrissons sur le toit de l'hôpital. Mon tout petit est pris en charge tout de suite. Je n'ai pas accès à la salle des soins. Je reste derrière la porte et pleure en l'entendant hurler pendant qu'on lui fait ses points de suture. Mais finalement, on n'a pas besoin de moi ici. Inutile d'appuyer là où ça fait mal. Je descends dans le hall de l'hôpital, trouve des annuaires et squatte le téléphone. Je veux tenter de joindre mon mari. Thomas n'a cessé de l'appeler. « Papa, papa !» comme s'il ne me faisait plus confiance. Et je pense en ce moment qu'il a bien raison. Je sais dans quel magasin Jeannot va passer entre deux rendez-vous de médecins. Alors, j'appelle toutes les grandes surfaces qui sont sur son parcours en leur demandant de diffuser une annonce au micro. Mais mon époux est introuvable. Entre-temps, Thomas est recousu. On lui met un pansement un peu sommaire à mon goût. Il faut croire que ce n'est pas si grave, même si à mes yeux la cicatrice est impressionnante. On nous installe dans une chambre pour qu'il puisse se reposer. Il ferme les yeux, 5 minutes à peine. Depuis l'accident, il n'a pas dormi un seul instant, ni cessé de gémir ou de pleurer. Ce qui, m'a-t-on dit, est plutôt bon signe. On vient de lui administrer un analgésique efficace, il reprend vite du poil de la bête et se met à chahuter sur son lit, à chanter, à danser dans la chambre, à courir dans le couloir, au grand dam des infirmières qui voudraient bien le garder en observation. Enfin Jean-Paul arrive. Il ne s'est même pas fait soigner. Il a accouru dès que son médecin lui a appris la mauvaise nouvelle. Il me regarde avec toute sa compassion, sans me faire le moindre reproche. Il sait, lui, que je suis adulte et responsable. Puis il commence à discuter avec notre fils, et les voilà qui rient comme des tordus. Un peu plus tard, on nous laisse sortir. À la gare d'Aigle, pendant que nous attendons notre train, Jean-Paul amène Thomas au photomaton, histoire d'immortaliser l'événement. Une photo souvenir dont je me serais bien passée, entre nous soit dit. Cette nuit-là, Jeannot, préposé familial aux nuits blanches, veille sur Thomas pendant que je m'écroule d'épuisement, psychique et physique, dans la pièce d'à côté. Je me trouve vraiment trop nulle. Demain, nous irons chercher Charlotte chez Henriette, et puis nous redescendrons tous à Aigle acheter des casques. Sainte-Croix, septembre 2015. Je viens enfin de me pardonner, après des années de doutes et de questionnements. Longtemps, j'ai été persuadée que Thomas n'avait que 2 ans lors des faits, mais je me suis rendu compte en revenant sur les dates que non, il était beaucoup plus âgé. Longtemps, j'ai cru qu'il avait eu le temps d'apprendre à être autonome sur une luge, mais un terrible doute s'est insinué. Était-ce vrai? La mémoire est sélective, menteuse et mythomane. Je sais aujourd'hui que j'ai réagi excessivement, probablement fragilisée par mon expérience tragique d'autrefois. Je n'ai pas pu prendre de la distance. Les accidents arrivent, c'est la faute à pas de chance. Ah, si je le tenais, celui-là! Thomas va avoir 20 ans le 23 décembre prochain. Il est intelligent, grand, beau et fort, et il s'en fiche pas mal de sa cicatrice. Même pas peur. Ça se pourrait bien qu'un jour, elle lui serve aussi d'attrape-gonzesse. En attendant, moi, j'en ai pris pour 17 ans avec cette histoire. C'est ce que Jean-Paul m'a dit quand je la lui ai lue et que je me suis effondrée en larmes au milieu de mon récit, tant l'émotion était encore forte après toutes ces années. Et il a rajouté, quand tu penses qu'une condamnation à perpétuité pour meurtre, c'est 25 ans, et que toi, tu n'es même pas coupable !»